En Corée du Sud, les membres de la solidarité coréenne pour la réunification indépendante et la démocratie ont effectué le vent courant la marche à l'ambassade des États-Unis à Séoul en réclamant le retrait des forces américaines et la démission du gouvernement Pakonnet. La police les a réprimés avant de les entraîner de force. D'autre part, selon le journal sud-coréen Le Travail et Le Monde, le 20 courant, le syndicat national des enseignants s'est mis à la grève sur le tas 24 heures sur 24 devant le siège parlementaire pour le droit fondamental au travail et les conditions d'enseignement.